tout de suite sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient une habitude. Cette semaine, après la mort de Castro, racontez l'histoire de Cuba, un documentaire de Xavier Dartuis, réalisé par Christine Digère. Au départ de cette série, il y a la mort de Fidel Castro, qu'on avait fini par croire éternel, après avoir vu passer 11 présidents américains. Et après ça, l'envie de sonder les mémoires cubaines pour faire l'inventaire des espoirs et des désillusions, entre fierté des acquis et haine de la répression. Et puis il y a aussi la féroce nostalgie de ceux qui sont partis, et cet horizon de l'autre côté de la mer, à Miami, qui attire ou révulse ceux qui sont restés. En tous les cas, on revient toujours à Castro, mais avant d'être le barbu en tenue militaire, cigare vissé à la bouche, Fidel Alejandro Castro Ruz a été un enfant. Alors pour commencer, les personnages. Une vieille dame qui a été secrétaire du Che, une amie d'adolescence de Fidel, une voisine qui se souvient de lui enfant, une historienne qui démêle les fils de l'histoire et du mythe, un journaliste exilé de Miami, des artistes qui rêvent l'histoire plus belle ou plus sombre, un agriculteur qui vit avec la légende de Fidel et un ancien de la baie des cochons. Ensuite le décor, un village devenu légendaire, la campagne cubaine, les avenues de la Havane, des salons à Miami, des amis, des ennemis, des oiseaux, la mer jamais loin et du vent dans les feuilles de tabac. Aujourd'hui, premier épisode, on est à Cuba, à Biran, pas loin de Mayari. Fidel Castro, l'enfant de la montagne de Biran. Un documentaire de Xavier Dartuis, réalisé par Christine Digère. Nous avons voulu aller sur les traces de Fidel Castro. Qui est Fidel Castro? Pour ça, il fallait bien évidemment non seulement aller tout près de la gestion du pouvoir du gouvernement, mais aussi bien sûr sur les traces de sa jeunesse et de son enfance. Nous voici donc d'abord partis loin à l'est de Cuba, près de 1000 km de la Havane, à Santiago, pour rencontrer des témoins, des acteurs, des critiques, et d'abord pour rencontrer une femme d'un certain âge, aujourd'hui encore très jeune, la grand-mère Lucia. Existe una hermana del primer matrimonio del padre de Ángel que él enviudó y que aún. Il y a une sœur d'un premier mariage du père Ángel. Ensuite, il est devenu veuf et avec Lina Cruz, il eut Angelita, l'aînée. Está Fidel, Ramón, está Juanita, Fidel, está Juanita, Elmita, Raúl y Agustina. Me voy a referir a Agustina, que yo les digo cariñosamente, igual que yo, otros compañeros. Je vais vous parler d'Agustina, que j'appelle familièrement, comme le font ses proches, Titi. Y teníamos afinidad en la niñez. Nous étions ensemble à l'école Los Internacionales del Cristo et nous étions proches des amis d'enfance. On se racontait des anecdotes comme le font les enfants. Elle me parlait des bêtises de ses frères. Comment Fidel lançait des oranges sur les enfants haïtiens des maisons qui entouraient leurs propriétés. Ils protégeaient leurs propriétés. Voilà, elle me racontait des choses comme ça. Mais ce dont je me souviens surtout, c'est que tous les enfants de cette famille étaient chaleureux, humains. J'en veux pour exemple l'aide que je recevais de leur part pour rester dans cette école de riches alors que je ne l'étais pas. Me ayudaba generosamente, me donó un uniforme de ella. Elle était généreuse, Agustina. Elle m'avait donné son uniforme, par exemple. On était des amis, on est allé à la chorale ensemble. Bref, c'était mon amie d'enfance, de celle qu'on n'oublie jamais. Elle avait des principes, ce qui me fait supposer que tous les enfants de cette famille étaient élevés selon les mêmes principes. Elle était délicate et très gentille. Il y en a deux hors de Cuba. Elmita, qui au début de la révolution a épousé un Mexicain et qui vit entre les deux pays. Et Juanita, qui est exilée. Tous les autres sont ici. Quelquefois, on l'entend dire ou on lit dans certaines biographies que Fidel et Raoul ne seraient pas de la même mère, ne seraient pas les enfants de Lina. Ça, c'est une erreur. Regardez. Titi se parece a Raoul. Titi ressemble à Raoul. Je me souviens quand Raoul était dans l'armée, quand il était dans la montagne, dans la Sierra, qu'il avait les cheveux longs et qu'il les tirait en arrière. Il y a des photos de lui. C'est Titi. Et par ailleurs, elle est très grande, comme Fidel. Et leurs yeux en amande à tous. Non, ce sont des spéculations. La famille de Fidel a donné une éducation très religieuse à ses enfants, non ? Familia muy católica. Une famille très catholique. Si ustedes visitan el cobre, d'ailleurs, à El Cobre, dans le sanctuaire, il y a un ex-voto en or déposé par Lina, la maman de Fidel, à l'époque où celui-ci se trouvait dans la Sierra. En fin de compte, et malgré toutes les idéologies d'après, est-ce que vous pensez profondément que les racines de l'inspiration de Fidel Castro restent chrétiennes? Je pense que oui. Parce que par son humanisme, il est chrétien. Et de penser toujours à l'homme comme Fidel, c'est ça le fondamental. De penser en el hombre, que es lo fundamental. Catalina que me preste el guayo que la yuca se me está pasando. Dile a Catalina que me preste el guayo que la yuca se me está pasando. Dans le petit hameau de Caballeria, à quelques encolures de la maison natale de Fidel Castro, à Piran, nous avons rencontré une grand-mère qui a participé à tout ce mouvement et qui a bien connu la mère de Fidel et Fidel lui-même et ses frères et ses sœurs. Me llamo Estrella Torre Batista. Ahora vivo en Caballeria. Je suis né en 1927 dans le hameau de la Guerra. J'ai 84 ans. Les temps étaient durs, mais on s'adaptait. Mon père possédait une caballeria, environ 13 hectares de terre, avec beaucoup d'animaux. On n'achetait pas grand-chose pour se nourrir. Je ne peux pas dire que l'on vivait mal. Toute ma famille s'est intégrée à la Révolution. Et quelle Révolution! Mes frères étaient à la bataille de Bajaragua, près d'ici. Ce fut terrible contre Sosa Blanco. Un autre frère était dans la clandestinité. Et encore un autre récoltait des fonds pour le mouvement du 26 juillet. Les parents de Fidel venaient manger chez moi. Lina, sa mère surtout. Une bonne femme, très bonne, simple, une bonne mère, affectueuse. Ma mère a longtemps gardé une photo de Lina avec mon frère Chucho. J'ai aussi connu Angel, le père de Fidel, parce que je suis allée chez eux. Avec mes oncles, ce soir-là, après la visite, nous sommes allés chez leur fils qui vivait à côté, à une fête. On a mangé un porc et comme j'étais la seule fille présente, ils ont demandé aux musiciens de me chanter quelques couplets. À l'époque, ils étaient étudiants et en vacances. Fidel et Raoul, ils étaient gais et chaleureux tous les deux. On a ri. C'est Fidel qui m'a adressé quelques mots doux. Mais moi, j'étais timide. Une petite paysanne de 15 ans, j'ai pas répondu. Vous étiez un peu amoureuse de Fidel, non ? J'étais tentée, mais j'y ai pas goûté. Il buvait du rhum et de la bière, moi non. Et lui ? Raoul et Fidel nous ont raccompagnés jusqu'à la rivière à cheval. Là, Fidel m'a proposé son cheval pour traverser, mais j'ai refusé. J'avais le mien, que j'avais l'habitude de monter à cru. Et puis nous sommes rentrés et je ne les ai pas revus. J'ai épousé Firmin et la vie a continué. Mais Fidel était beau et étudiant, bien plus civilisé que moi, paysanne de la montagne. Un jour à la Havane, j'ai bien eu envie d'aller lui rappeler ce jour lointain, mais bon... Ay, mi. Nous sommes devant la maison où Fidel et Raoul ont passé une partie de leur enfance. Pas très bon souvenir d'ailleurs, on le verra. Et juste au moment où nous regardions la maison, une voisine est sortie. Elle se souvient très bien de ces temps anciens. Je m'appelle Nadia et j'habite ici depuis ma naissance en 58, au numéro 14 de cette rue. J'ai été bercée par l'histoire qui raconte que Fidel a vécu dans la maison voisine. Mais lui, je ne l'ai connu que tardivement. Un jour, il est arrivé comme ça, il y avait un problème d'eau et on était tous en train de porter des seaux. Tout de suite, il s'est adressé à nous comme un voisin et nous a fait envoyer un camion-citerne. On dit que cette maison était celle de l'institutrice du village de Biran et que pendant les vacances, leurs parents confiaient les frères à l'institutrice pour qu'ils passent une semaine ou deux à Santiago, à la ville. Plus tard, lorsque Fidel et Raoul sont entrés au collège de Saint-Jean de la Salle à Santiago, les parents donnaient à l'institutrice 40 ou 50 pesos, je ne sais plus. Mais à l'époque, c'était une petite fortune pour que les garçons aient où dormir et puissent sortir de la pension le week-end. Plus tard, j'étais déjà adulte, il est revenu et il a raconté aux enfants de la rue comment au numéro 8 de la rue, on vendait des glaces à l'eau et qu'ils n'avaient pas toujours le centime nécessaire pour se l'acheter. Il a plaisanté en riant avec les enfants. Oui, Raoul et Fidel ont vécu ici. Et puis, dans la maison, là, en retrait de la rue aussi. Et tu vois, celle-là, là-bas. C'était celle de sa vraie marraine. Voy en su origen, en su universidad. parcourons les rues de Santiago de Cuba. Santiago de Cuba, la capitale du carnaval, et nous entendons des musiques de conga. Nous avons eu un excellent guide en la personne de Laura Cruz, chercheur, professeur, qui a fait une recherche tout à fait exceptionnelle sur l'émigration française à Cuba et qui connaît par cœur tous les lieux et toute la vie et la biographie de Fidel Castro Ruz. Fidel, mes rencontres con él eran a partir j'ai rencontré Fidel parce que j'ai été dirigeante du syndicat étudiant del movimiento estudiantil. Et à 5 reprises, j'ai été nommée à l'avant-garde de ce mouvement. La date importante, c'était le 13 août, le jour de sa naissance. Ce jour-là, il réunissait tous les jeunes du mouvement d'avant-garde. Et j'ai toujours été fascinée par sa capacité d'approche du peuple, ce qu'il ne faut jamais oublier, être à la fois celui qui dirige et celui qui écoute le plus humble d'entre nous. Car la sagesse populaire est indispensable au bon déroulement de tout projet social. Laura, cette révolution, à votre avis, elle peut continuer sans Fidel ? Elle peut continuer après Fidel ? Question importante. Et moi aussi, je me la pose. Est-ce que cette jeunesse qui est aujourd'hui mise en avant est capable d'assumer tous les sacrifices et tous les efforts ? A-t-elle la volonté dont on a besoin pour ce beau projet de la révolution cubaine ? Parce que c'est un beau projet humain, surtout pour les plus démunis et pour tout le tiers-monde. Oui, le tiers-monde, parce que certains Cubains voudraient se comparer au premier monde, celui qui a déjà construit pendant 500 ans. C'est la grande question, c'est ça qu'il faut sauver, transformer et améliorer parce que Cuba doit s'intégrer au monde d'aujourd'hui. On ne peut rester seul au monde. Et la suite, Laura, l'avenir ? Comment vous le voyez, cet avenir, notamment de la jeunesse, de la nouvelle génération ? Le présent à Cuba est difficile. Oui, ce n'est pas facile. Mais c'est possible. Et c'est à nous, parce que nous sommes cubains, de trouver les solutions économiques et sociétales. Nous sommes à Miami, à quelques 120 km à vol d'oiseau de Cuba. Miami, ville où se sont réfugiés, exilés des milliers de Cubains venant de l'île. Et nous sommes avec Max Lesnik, journaliste, qui est un des plus anciens compagnons de Fidel et qui a été le premier universitaire recruté dans les troupes de l'attaque de la caserne du Moncada à Santiago de Cuba, qui a marqué le début de la révolution de 1959. Estudiante de la escuela de derecho. Ahí conocí a Fidel Castro. J'ai rencontré Fidel Castro alors que j'étais étudiant de la fac de droit. À l'époque, agité du mouvement étudiant de la fin des années 40 et début des années 50. Precisamente en esa universidad. Je suis d'ailleurs revenu dans cette université de la Havane et le décor n'a pas changé. La place Cadenas, rebaptisé Place Agramonte, au centre, en face de la fac de droit, et le petit banc derrière lequel les étudiants ont installé un blindé de l'armée de Batista après la Révolution. Et ce petit banc de marbre derrière le grand amphi était le rendez-vous matinal des étudiants engagés. C'est là qu'on se réunissait pour préparer toutes les activités étudiantes, manifestations contre l'augmentation du prix de l'électricité, des transports, mobilisation contre les compagnies électriques qui augmentaient constamment leurs tarifs, réaction à l'encontre des interventions dans la vie publique cubaine d'agents étrangers tels que l'ambassade américaine. Et c'est là que j'ai rencontré Fidel Castro. Comment il était, Fidel Castro? Bueno, no muy distinto al que hoy. Hombre alto. Eh bien, il n'était pas très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Un homme très grand, séduisant, pero un tanto brusco, policé, mais très impétueux lorsqu'il prenait la parole. Desde el primer momento que lo vi, me di cuenta de que era un personaje. Et dès les premiers instants, j'ai su que c'était un personnage incontournable. Para bien o para mal. En bien ou en mal. Pero bueno, después me entero que él había sido, mais j'ai vite appris, il me l'a dit lui-même, qu'il avait été sympathisant du parti orthodoxe de Chivas. Or, j'étais à l'époque un des leaders du mouvement étudiant de ce parti. Fidel venait de la partie orientale de l'île et sympathisait avec le slogan orthodoxe « La honte contre l'argent ». Et toute cette génération de jeunes était proche des postulats politiques d'un leader qui représentait les idées les plus radicales du spectre politique cubain, à l'exception de l'extrême gauche, le Partido Socialista Popular communiste. Fidel faisait partie de cette génération. Il faisait partie du parti orthodoxe, ce qui a suscité des affinités personnelles. Chivas m'avait demandé, en tant que leader du mouvement de la jeunesse orthodoxe, de lui signaler les figures étudiantes émergentes avec lesquelles il était intéressant de nouer des relations. Et bien sûr, Fidel était l'une d'entre elles. C'était une sorte de front étudiant populaire. Cuando el pueblo empezó a creer que una revolución se estaba haciendo, vino el señor Batista, traicionó la revolución, se apoderó del poder e instauró una dictadura por 11 años. No será como en el 44. Au long de ce documentaire, nous nous sommes souvent posé la question de l'image de Fidel Castro, celle qu'il fabrique et celle qu'il provoque. Max Lesnik. C'est là la première marque de la grande inventivité qu'il déployait pour entrer en contact avec les masses. Il ne se contentait pas d'une tribune, il se rendait dans toute la province de La Havane. Il se mettait en route, participait à tous les événements politiques, prenait toujours la parole. La première fois qu'il s'est adressé à un très grand nombre d'auditeurs, c'est à l'occasion de l'enterrement de Chivas. Son discours a été retransmis par toutes les stations. Je crois que c'est la première fois qu'un si grand nombre de gens ont écouté ce jeune orthodoxe qui deviendra par la suite Fidel Castro. On a souvent traité Fidel Castro de manipulateur, de prestidigitateur. Cette image, elle a souvent été christique. Comment vous voyez ça, Max Lesnik? Jésus-Christ était un manipulateur qui parcourait Jérusalem et ses environs en diffusant ses idées. Si la manipulation consiste à essayer de convaincre par le biais des mots, le manipulateur s'en tient généralement aux mots qui sont très éloigné de l'action. Fidel Castro, pour sa part, a transformé sa parole en acte. Et il l'a prouvé par des faits. Fidel est l'une de ces étoiles qui surgissent dans le firmament, qui s'embrasent et disparaissent, ou qui s'inscrivent dans l'histoire. Et c'est ainsi. Cuba a donné naissance à d'autres étoiles semblables auparavant, mais il a été chargé par le hasard de représenter au XXe siècle et une partie du XXIe siècle cette résistance incarnée par Martí, Mella, Guiteras, Chivas lui-même et enfin Fidel. C'est un courant né de la pensée d'un prêtre, Félix Varela, le premier à avoir conceptualisé Cuba en tant que nation. Continuons notre voyage, nous reviendrons plusieurs fois à Miami, mais là, donc, nous sommes à La Havane, nous rencontrons Alfredo Guevara, là aussi un des plus anciens compagnons de route de Fidel Castro, Alfredo Guevara, homonyme du Che, qui lui est cubain et qui n'a rien à voir avec Ernesto Guevara, argentin, homme de cinéma, homme de culture, homme de dialogue. Alfredo Guevara, comment définir Fidel Castro ? Difficile de savoir. C'est bien difficile de savoir. Sans doute l'être le plus complexe que j'ai rencontré. Je dirais qu'il a la complexité du labyrinthe. Je dirais qu'il a la complexité du labyrinthe. C'est-à-dire que, peut-être, à fond, nadie puede describirlo. Sans doute personne ne peut le décrire jusqu'au bout du bout. En el caso de Fidel, mais en tous les cas, pour moi, il y a dans cette complexité de Fidel quelque chose qui permet de l'aimer, même s'il y a des espaces de lui que l'on n'atteindra jamais. Ante estos muertos, digamos de una vez que nosotros, es decir, el pueblo cubano, sus obreros, sus campesinos, sus estudiantes, sus mujeres, sus jóvenes, sus ancianos, hasta sus niños, no vacilarán en ocupar su puesto tranquilamente y sin inmutarse y sin pestañear siquiera el día que cualquier fuerza extranjera. Bonjour, je suis Wendy Guerra, j'habite La Havane. Bon, je continue en espagnol. Je suis écrivain, je vis à La Havane. Si tu n'es à Cuba, Fidel fait partie de ta vie. Il a marqué notre vie, en bien ou en mal. Je l'ai vu souvent, surtout quand les officiels des pays d'Europe de l'Est venaient et on défilait devant lui, on le saluait. Je viens de Cienfuegos, en province. Ma mère m'emmenait souvent en fin de défilé au point de presse auquel elle participait avec les journalistes. Wendy, enfant et jeune, vous avez vu souvent Fidel. Alors, quelle impression est-ce qu'il donnait ? Lorsque je l'ai rencontré la première fois, je n'ai pas été impressionnée. Je m'étais préparée au choc. Ensuite, en 87, à la réunion avec les jeunes intellectuels, j'étais la plus jeune déléguée. Et tous ces intellectuels, ce sont ceux qui, aujourd'hui, se répandent en horreur sur lui. Ma relation avec Fidel est la même que tous les Cubains. En fait, nous lui mettons tout sur le dos. Indépendamment de ce que j'ai déjà dit sur l'influence qu'il a sur nos vies, nous avons pris l'habitude de le rendre coupable de tout ce que nous n'avons pas fait, une carrière, un projet. Par chance ou par malheur, nous avons pu rejeter sur quelqu'un la responsabilité de nos succès ou de nos échecs en désignant ces 50 ans de révolution coupables de tout ce que nous avons fait ou pas fait. Nous sommes les enfants et même les petits-enfants de cette génération qui nous a préparés à ce que le discours ensuite soit un discours de sourds à des aveugles. C'est très compliqué. Ils ne nous ont pas fait de mal, ils nous ont juste préparés à entendre quelque chose qui était devenu indiscutable. Lorsque je voyais Fidel parler à la télévision, je mesurais combien c'était important pour les gens. Ma relation personnelle avec Fidel était très relaxe. Je n'ai pas connu d'autres présidents. Pour trouver cela bizarre, il faudrait vivre 20 ans à Paris pour essayer de comprendre ce que vous trouvez bizarre dans cette situation. Pour moi, c'est normal. Je n'ai rien connu d'autre. Un jour, j'étais à la télévision. Je finissais mon programme pour les enfants. Il y avait une manifestation organisée pour le retour d'Elian. Cet enfant qui était à Miami. J'avais juste raconté mon histoire comme d'habitude et je m'étais refusée pendant toutes ces journées à traiter du thème des liens pour laisser aux enfants un moment de répit au milieu de toute cette politique. Je ne voulais pas m'y mêler. Alors, j'avais raconté mon histoire du matin et après, il y avait cette manifestation à laquelle devaient participer les enfants qui étaient censés m'avoir écouté. Il était 7h du matin et je me démaquillais au studio lorsque mon responsable est arrivé en me demandant d'intervenir au milieu du journal du matin qui suivait mon émission. Parce que les enfants étaient en train de sortir de chez eux pour aller défiler et on annonçait une sorte de tornade. Il pensait que ma voix à laquelle les enfants étaient habitués et qu'ils pensaient transmettre à l'extérieur par haut-parleur serait reconnaissable par les enfants et qu'ainsi on les empêcherait de sortir. Jamais de la vie, il n'en est pas question. Ces enfants sont heureux, ils sortent dans la rue pour agiter des petits drapeaux et s'amuser avec leurs copains. Ils vont me haïr si je les empêche de sortir. Je n'ai aucune autorité pour faire cela. J'ai refusé. Cette anecdote est très symbolique de ce qu'est Fidel. Juste à ce moment-là, un message de Fidel est arrivé qui disait « Queridos pioneros, queridos niños, Elpidio Valdés me ha dicho... » Elpidio Valdés, un héros pour les enfants cubains, m'a dit qu'il allait pleuvoir. Et les enfants ne sont pas sortis pour défiler. Le seul qui pouvait les arrêter était Fidel. Ce jour-là, j'ai compris que les médias étaient une sorte de boîte noire et que ce n'était pas à moi de guider tous ces enfants. Je me suis mise à écrire pour moins de monde, de la littérature, avec les mêmes capacités ou incapacités, je ne sais. J'ai compris qu'un homme d'État, c'était bien autre chose. Nous quittons le monde des lettres et nous arrivons au monde du théâtre. Sur une terrasse à La Havane, nous rencontrons Carlos Díaz et quelques-uns de ses acteurs du Teatro El Público, une compagnie de théâtre que Carlos Díaz a fondée voici 20 ans et qui mène à tambour battant un répertoire qui attire un très très nombreux public. Soy de las personas que se anota que nació con la revolución. Je fais partie de ces gens qui sont, de toute évidence, nés avec la révolution. Lorsque j'ai commencé à lire, à choisir, à me tromper, Fidel était déjà là. Et je crois que je me suis consacré à la culture comme Fidel s'est consacré à la politique. Et qu'est-ce que les jeunes de la compagnie El Público pensent de Fidel Castro? Fidel Castro. Para mí ya es casi como un abuelo. Pour moi, c'est presque comme un grand-père, que l'on respecte beaucoup, mais que l'on n'écoute pas toujours, même s'il est très respecté. Écoute, pour parler de Fidel Castro, je dois évoquer toute une génération antérieure, celle qui m'a permis d'être mis au monde. Et du fait de son histoire, j'ai un peu de mal à définir la figure de Fidel Castro. Je crois que chacun, consciemment ou inconsciemment, porte Fidel Castro dans sa mémoire, car il fait partie de l'histoire de ce pays. On ne peut pas nier que c'est une grande personnalité, quelqu'un de très intelligent, malgré tout cela. Il continuera de faire partie de cette nation tant qu'il fera partie de la société. J'ai 28 ans, je suis né en 1982, je suis assez loin de cette période, mais je crois que pour l'ensemble de la société, ces blessures persistent. Elles sont difficiles à guérir et on les reçoit de personnes qui les ont vécues. Nous portons cette histoire en nous. Je crois que nous ne devons pas oublier. Nous devons savoir ce qu'il s'est passé, nous devons connaître nos erreurs et en tirer des enseignements. Je crois que c'était des moments très durs pour de nombreuses personnes. Il ne faut pas oublier. Les peuples qui oublient courent le risque de retomber dans leurs erreurs. Nous sommes allés du côté des lettres, nous sommes allés du côté du théâtre et maintenant nous allons du côté de la plastique et nous revenons dans une autre maison de la Havane que fréquente souvent José Emilio Fuente Fonseca, peintre dit Jeff. Quelle image vous inspire Fidel Castro aujourd'hui, Jeff? Fidel pour moi a toujours été un leader naturel. Fidel a toujours été pour moi un leader naturel. Qui a toujours su bien faire les choses. Il a toujours su ce qu'il voulait. Il a consacré toute sa vie à un idéal en tentant de le réaliser. Il n'a pas toujours réussi, parfois de son propre fait, parfois de celui de ceux qui l'entouraient ou de la conjoncture politique. Je dirais que Cuba est un pays fidéliste. Socialisme, communisme, puedes cambiarle el nombre, puedes ponerle fidelismo. Socialisme, communisme, tu peux changer le nom et dire fidéliste. Creo que es lo que ha marcado y lo que ha mantenido todo. Je crois que c'est ce qui a fait que tout cela tienne. Et tout ça malgré cette horrible période des années 60-65 où des artistes, des religieux, des homosexuels ont été réprimés et envoyés en camp pour couper la canne à sucre. Je crois que nous avons gagné cette bataille. Pas complètement, mais en grande partie. Nous devons imaginer la situation à l'époque. Lorsque triomphe la révolution, le pays est déserté. Et ce n'est pas que l'on manque alors de gens capables ou prêts à affronter les défis qui surgissent. Intellectuels ou autres. Nous étions les héritiers d'une éducation ancienne sur la question de l'homosexualité et toutes ces questions. Par exemple, beaucoup de gens étaient complexés à l'idée d'être dirigés par quelqu'un de plus jeune qu'eux. Ce sont des choses qui n'auraient pas fonctionné si elles n'avaient pas été réalisées de la sorte. Je ne cherche pas à occulter les faits ni à noircir le tableau. Je crois avant tout qu'il y a eu des erreurs. Que l'on partage ou pas une idéologie ou un mode de vie, il faut avant tout respecter l'être humain. Et ce n'a pas été le cas à un certain moment. Ça fait partie des erreurs commises. Tu sabes que somos de calle. Ahora, tu sabes que somos de calle. Ay, crea mi corazón, porque somos de calle. Ay, crea mi corazón, legal, legal, lo más ilegal, lo personal, lo vamos a personal. Yo sé, para mi padre, yo sé. Yo sé el dinero, el dinero, el dinero que todo el mundo quiere. Ya. Es que ya me pude y no queda de guarampola. Como guanada para champola. Une petite rue bien vivante, bien bruyante de la vieille Havane, entre le bar de Garcia Lorca et le musée du Rhum, se trouve l'atelier de Vladimir Roca, dit Choco, un des grands peintres de ce pays. Choco, en 1959, vous aviez 10 ans au moment de ce que les Cubains appellent le triunfo de la revolución. Vous savez que comme ça va. Uno recuerda todo. À cet âge, on se souvient de tout. Etapa, recuerdo que violencia era lo que se estaba viviendo con relación a la tiranía batistiana. Era una etapa bien difícil. C'était difficile. Mi familia eran gente comunes. Ma famille était une famille banale. Una vez que uno de los grandes matones, digamos, un jour, un sbire visita toutes les maisons du quartier. Revisando todo el barrio. En casa había, et chez nous, il y avait un révolutionnaire. Escondido, este il était caché chez nous, plus par pitié, pour qu'on ne le tue pas, que par engagement révolutionnaire. De parce qu'on tuait comme ça. Persona, era por piedad, quizá. No era porque on est vu un tué sous mes yeux. Dans notre quartier, un peu marginal, on cachait toutes sortes de choses et de gens, de la drogue. La sensibilidad de ver todo eso estaba aconteciendo ahí. De un muchacho blanco. Un jour, j'ai entendu un jeune homme blanc dire que si sa sœur se mariait avec un noir, cela lui semblerait dégoûtant. Non, yo creo que a mí me parece que si una. Cela m'a paru moche de dire ça. Mais bon, c'était comme ça. Ici, oía decir. J'entendais les coups de feu. Je voyais les avions de l'armée de Batista qui bombardaient. De los aviones de l'ejército Batista. Sí, creo que con esa edad. Un jour, oí algo de Che. J'ai entendu parler du Che. De barrio donde vivía. Che tuvo una. Il y avait un combat sur une plage près de Santiago. En la playa más verde. Passaban los jeeps, los camiones llenos de militares. Et je voyais les voitures, les militaires. J'entendais les détonations, les bombes. Y los tiros y todo durante muchas horas. Después, après, lo confirmo, cuando tu fue la revolución, j'ai su que ça avait été une bataille importante menée par le Che. Je me souviens que tous les parents disaient aux enfants « Si tu n'es pas sage, je vais appeler les Mau Mau. » C'est comme ça qu'on appelait les guerrilleros de la Sierra, ce que la police appelait les bandits. Un jour, un jeune est descendu de la montagne en uniforme avec ses cheveux longs et ses colliers. Nous, les gosses, on a tous eu peur. Toute cette violence nous avait un peu anesthésiés, nous les enfants. llamado con ese nombre se lo dio en Santiago de Cuba. Mais les Mau Mau, avec leurs cheveux longs, tous leurs colliers et tout ça, les bandits de la Sierra, c'était comme les diables pour nous. Nous sommes partis à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la Havane, dans un recoin caché, au bord de la mer, au bord de l'eau, dans une petite ferme avec quelques cochons, quelques volailles et une famille extrêmement accueillante, celle de Orlando Pedro Pacheco Viera. Yo me llamo Orlando Pedro Pacheco Viera, natural de Caimito de Guayabal, soy jubilado. Je suis originaire de Caimito de Guayabal. Je suis né en 1942. Je suis retraité, j'ai 68 ans et je vais sur mes 69. Je travaillais dans la culture du tabac. J'ai commencé à 13 ans, enfant. On ne voulait pas de moi parce que j'étais trop jeune, mais on avait besoin de gens pour les feuilles. Il fallait des jeunes pour ramasser des feuilles, ce que j'ai fait pendant 3 ans. Ensuite, en grandissant, j'ai arrosé, planté le tabac, de longues années dans le tabac. C'était une époque très dure. Il fallait descendre du trottoir quand on croisait un militaire. Et beaucoup de gens, de citoyens, en étaient victimes. Par exemple, quand ils voulaient faire accuser quelqu'un, il suffisait de glisser des bons révolutionnaires du 26 juillet dans sa poche. Et en prison, c'est arrivé à mon oncle. Pour moi, Fidel est un héros. Un leader extraordinaire. Si dans le monde il y avait trois Fidel, nous n'aurions pas tous ces problèmes. Pour éclairer cette histoire mouvementée et notamment cette fameuse invasion ratée de la baie des Cochons à la Havane par les Cubano-Américains entraînés et payés par la CIA, nous avons rencontré un des vétérans de ce fiasco militaro-mercenaire. Alfredo Duran, qui est aujourd'hui un des plus grands avocats internationaux de Miami, et qui a été donc mercenaire pour envahir Cuba, nous raconte. Esos muchachos, en su mayoría, il y avait en fait deux groupes. Reclutados muy pronto por el CIA. Il y avait un groupe qui había était très vite regroupé par la CIA, eran aceptados por el CIA y empezaron a trabajar en la formación, ya bien sea de una oposición et qui fomentait une opposition politique et clandestine à Cuba. Y aquellos que no nos permitían entrar a funcionar en ese grupo, celui auquel j'appartenais, on nous laissait pas participer à ces expéditions. Nosotros mismos, financiadas, et nous devions nous débrouiller tout seuls. Por, los on était financés dans la majorité des cas par des ex-politiciens de Batista. Tanto, realmente dos bandos. Il y avait donc vraiment deux groupes. En la invasión de Valle de Cochino y en et ça s'est particulièrement défini au moment de l'invasion de la baie des Cochons et ensuite dans les camps d'entraînement au Guatemala. Et comme tout le monde pensait que finalement ça allait très vite changer à Cuba, on s'occupait surtout de projeter l'avenir de la République cubaine. On pensait, enfin en tous les cas certains d'entre nous pensaient qu'il allait arriver la même chose qu'en 1930, c'est-à-dire qu'en fait il y avoir un gouvernement des États-Unis. Et aujourd'hui, Alfredo Durán, comment vous voyez Fidel Castro? Le succès de Fidel Castro, c'est qu'il est un génie. C'est un génie politique. Il sait profiter de toutes les occasions, de tout ce qui se présente à lui pour le retourner à son bénéfice, à celui de son gouvernement et de sa manière de diriger. Quand il a compris qu'on était tous perdus là-bas à Playa Gila et qu'on allait tous nous massacrer, qu'on allait nous tuer, par exemple, moi, quand ils m'ont attrapé, j'étais détruit. Ça faisait 15 jours que je errais dans ces lagunes sans manger. Quand ils m'attrapent, j'étais sûr qu'ils allaient nous fusiller. D'ailleurs, j'ai dit aux miliciens qui m'ont attrapé, donnez-moi un peu d'eau et fusillez-moi, ça finira vite. Ils nous ont répondu, mais pas du tout, on doit tous très bien vous traiter, on ne va pas vous tuer. Fidel Castro se dio cuenta de que se hubiera creado una masacre. Fidel s'est rendu compte que s'il faisait un massacre dans Playa Girón, peut-être les Américains allaient intervenir. Et alors il a donc fait tout le contraire. Il nous a déclarés prisonniers de guerre, même pas prisonniers politiques. En nous déclarant prisonniers de guerre, il nous a donné un statut régi par la Convention de Genève. Il a internationalisé le débat. Et en même temps, il nous déclare mercenaires des États-Unis. C'est la première fois qu'on emploie cette expression qui, après, donc, a fait long feu de mercenaires pour désigner ces gens-là et après tous les gens qui ont essayé ou qui ont, sont arrivés à Miami. J'ai plusieurs opinions sur Fidel. Je pense comme individu que c'est vraiment un génie politique. Il a su conduire cette petite île de 11 millions d'habitants au milieu des Caraïbes et il a su la placer sur les lèvres de tout le monde. Et même ce pays est devenu un exemple pour beaucoup. Et il n'y a aucun doute que ça a été le personnage le plus important pour Cuba au XXe siècle. Après José Martí, en incluant José Martí, parce que José Martí, il a écrit de belles poésies, mais en fait, il est très vite mort au combat, il n'a pas gouverné. Il a laissé une pensée politique, bien sûr, très belle, mais dont tous les gouvernants à Cuba se sont servis, et Fidel aussi. Mais en tant que gouvernant, je pense que Fidel a exagéré. Le pays a besoin de changement, de sang neuf en quelque sorte. Et le fait d'être resté si longtemps au pouvoir, sans essayer de chercher des arrangements, en quelque sorte de pacifier l'île, disons, je pense que c'est une erreur. Et si on doit le juger pour quelque chose, ça sera sans doute pour cela. Pendant tout ce temps où il a été au gouvernement, il n'a pas vraiment cherché l'union pour le peuple cubain. C'était Fidel Castro, l'enfant de la montagne de Biran, un documentaire de Xavier Dartuis, réalisé par Christine Diger. Fidel Castro, l'éternel acteur, prise de son Martinez, mixage Frédéric Cairou, assistant Ernesto Ivan, archives de l'Institut national de l'audiovisuel Martin Auger. Les traductions ont été faites par Dominique et Diego et vous avez entendu les voix d'Eric, de Dominique, de Mao, de Diego, de Divan et de Rudy. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez retourner à Cuba, bibliographie, lien, nous podcaster pour la plage ou nous réécouter sur le bateau, eh bien c'est sur la page de la série documentaire sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire et nous suivre sur Twitter. Demain, deuxième épisode, Cuba, une révolution confisquée. Mais dans un instant, juste avant le journal du 18h, on retrouve Hervé Gardette.